C'est cette fille? Elle n'a pas une belle bouche. Vous pouvez nous remontrer le numéro 38? C'est un visage, ça? Oui, bien sûr, c'est un visage. 一歩進んでキレがいい120倍高速赤間だしビスバスビクター高画質ハイファイビデオ